Dis-moi dans le fond ce que tu veux. Tu veux prendre ma vie, tu veux voir le monde de mes yeux. Tu veux mon avenir, j'ai vu ta façon de regarder. J'ai vu dans ton vice, tu fais tout pour prendre mon bébé. T'endors plus la nuit, je connais ce genre de fille. C'est la psychiatrice, n'a visé en noir sur blanc. Dans sa story, viens pas poster ici. T'es impoli, j'ai signé en CDI. T'as rien compris, que chacune reste à sa place. Place à sa place, place à sa place. Reste à ta place, que chacune reste à sa place. Place à sa place, place à sa place. Reste à ta place. Tu veux ma vie, essaye encore. Ça crève les yeux, tu meurs d'envie, je t'ai un sort. Tu veux mon bébé, essaye encore. J'ai dit oui pour tout vous laisser derrière la porte. Tu seras pas moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi. Tu seras pas moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi. On t'aura pas ce que tu veux. T'auras pas ma vie, j'ai pas besoin de lire ton CV. C'est ce qui te motive, t'auras pas mon mode d'emploi. T'auras pas de motif, toutes les meufs comme ça c'est nocif. Mais j'suis pas novice, j'le redis ce genre de fille. C'est la psychiatrie, elle raconte sa vie sur les réseaux. C'est sa thérapie, on met les points sur les i. J'ferai pas de virgule, on sait très bien qui est qui. C'est ridicule, que chacune reste à sa place. Place à sa place, place à sa place. Place, que chacune reste à sa place. Place à sa place, place à sa place. Reste à ta place. Tu veux ma vie, essaye encore. Ça crève les yeux, tu meurs d'envie, je t'ai un sort. Tu veux mon bébé, essaye encore. J'ai dit oui pour tout vous laisser derrière la porte. Tu seras pas moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi. Comme les gens veulent, je suis seulement moi. Tout ce qui se passe vers chez toi, ça me concerne pas. Ça me concerne pas, non, ça me concerne pas. N'essaye pas de te voir à travers moi. Sois pas comme les gens veulent, sois seulement toi. Tout ce qui se passe vers chez moi, ça te concerne pas. Ça te concerne pas, non, ça te concerne tu pas. Tu veux ma vie, essaye encore.